Du coup, on prépare des tartes au maroilles. Et pour la préparation, on commence par casser des œufs dans deux bols pour vérifier qu'ils ne soient pas périmés. Donc pour vérifier qu'ils ne soient pas périmés, on regarde s'ils n'ont pas une couleur anormale ou une odeur. Ensuite, on les met dans une calotte avec 300 g de crème fraîche, une pincée de sel et une pincée de poivre. On mélange, on met une bonne poignée de râpé. Et ensuite, on met un quart de maroilles découpé en petits dés. Ensuite, on le met dans la pâte et on met au four. De la pâte, hein, bien sûr. Alors, je vais te demander d'aller me chercher du sucre en poudre, s'il te plaît. C'est les assiettes carrées qui sont... Oui, rectangulaires, les grandes. Enfin, les grandes. Il faut qu'on puisse mettre une demi-tarte. Voilà. Et ensuite, on va venir... Donc, on peut faire ça avec un rouleau, avec une bande plus épaisse. Et on va venir ensuite couper pour avoir la forme de nos petits palmiers. Ah, c'est ça. Oui, d'accord. Ah, okay. Ouais, bah oui. T'as compris le système ? Donc une fois que j'ai fait, donc tu fais une bande plus large et ensuite tu viens couper pour avoir à peu près 1 cm d'épaisseur. Et tu sucres bien ta pâte. Et ensuite tu vas. Oui. Sur le dessus, doré au jaune d'œuf. Non mais parce que du coup on va les couper comme ça. Alors, tu vas les voir ta plat. Donc tu vas les couper comme ça et après on va les retourner comme ça. Donc le devant, tu le dores au jaune d'œuf. Mais si t'as fait le côté, c'est bien, parce que ça doit être doré sur les côtés. Ça doit dorer le dessus et le côté. Celui-là, oui. Mais toi, tu peux en faire des plus grands en fonction des restes de pâte que tu as. Nettoyage du poids de travail avant de... Non. Ah ouais. C'est juste pour que vous regardiez s'il n'y a pas de... si c'est bien fait au niveau des... C'est bon, madame. Vous aurez votre note. D'accord. Ça va aller. J'ai vu Jean-Victor. Mmh. Mais écoutez, à moi. Attends, il faut aller vivre. Salam alaikum. Vous l'avez pas tout fait, c'est là. Bon, bah, donc c'est le sexe.